Molingami malamu balinga kapona mbuzwite balinga kapona bizalini yango na bengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema e suka sembe boyebimisa kozala na moninga malamu ezali bozwi na ntango ya mpasi moto akosungaka yo soki mpasi ekomi na motema nalapi ngai ye mpona yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala olangisi motema na ngai ye Yesu e Yesu e Yesu e yo moninga malamu Yesu e Yesu e Yesu e yo moninga malamu obikisa makambo etungisa ngai po mobembo yanga na yo esalema na kimia tolesa na mbuma bolingo napesa yo masanjoli okitisa nkembo na yo nabika kati na yo mpo nayeba yo na monzindo nauti na bapota deception mokili naza nanu na se ya emotio monoko nanga eza nanu kilo molimo ekolisanga masanjoli nakokaka kofanda kimia te soki batangi kombo na yesu motema epelinga moto osana fukama na sanjola yesu e yesu e yesu e yo moninga malamu yesu e yesu e yesu e yo moninga malamu